Selon la radio sud-coréenne MBC, le président du comité de mesures d'urgence du Parti pour le peuple, parti de l'opposition, a dénoncé le 14 octobre à la réunion des membres du comité de mesures d'urgence et des députés principaux tenus à l'Assemblée nationale que Bakune transforme l'époque de la culture du 21e siècle en époque des barbares. Par ailleurs, selon la radio KBS, le rassemblement pan-national a eu lieu le 15 à Séoul sous les auspices de la direction de lutte Paenam-gi contre les autorités qui tentent l'autopsie du paysan Paenam-gi tué par la répression fasciste.